nana. C'est sûr, elle va pas rester, c'est dur, mais en attendant, c'est toujours ça. Surtout ne la sodomise pas, car tu veux pas faire mal à une nana. Au plus, fais-lui un cunnilingus, elle t'adore ça surtout dans l'oreille. Après, tu te décroches le prépuce et tu la prends entre les orteils. Surtout la nique pas tout le fond de l'alma, car Lady Diana n'aimerait pas. Déjà, tu y as acheté une tenue en cuir. Faire la pute, c'est bien, mais les mecs vont fuir. Parce que Sandy, c'est quand même pas le top modèle de chez Nivea, mais plutôt Olida. Exact. Au début de l'été, tu vas te marier. Normalement, hein. Vers mi-janvier, le gamin va arriver. Ça, c'est moins prévu déjà. Mi-février, tu vas divorcer. Et là, attention, ça va faire mal. Ça se termine au tribunal. Je dis boudin. Je suis sûr que Sandy est un boudin, mais ça te va bien. Pour toi, c'est ça ou rien. Je dis boudin, boudin. Je suis sûr que Sandy est un boudin, un boudin. Je suis sûr que Sandy est un boudin, un boudin. Bravo David, une fois de plus, tu t'es surpassé. Bravo pour les textes, très jolis. Oui. Tu ne vas pas bouger dans un instant, nous aurons Gérard, hein, d'accord. Donc ne bouge pas. Mm-hmm.